Eh ben moi, je vais te dire une chose, qu'il y a eu trop de blancs. Alors, tes trucs, là, c'est du bidon. Ouais, mais avec elle, au moins, on peut parler. Oui, peut-être. Hein. Avec elle, vous pouvez parler, mais dès que il y en a une qui commence à trop élever la voix, elle dit rien. Au lieu de dire, bon, bah, on se calme, on passe à la deuxième question. Non, elle laisse. Et automatiquement, ça a été trop loin. Ouais, mais elle gueule pas, au moins. Ouais, mais elle gueule pas, mais de toute manière, le but des débats, c'est quoi? C'est de gueuler, non? Non, c'est de mettre un peu d'ambiance. Ah, pardon. C'est de mettre un peu d'ambiance, parce que s'il n'y a pas d'ambiance, dans ces cas-là, c'est plus rien du tout. C'est même plus de la... Ça sert à rien que je vienne tous les jeudis.